je suis épuisé d'avoir aimé une seule partie de toi. Je suis fatigué d'être amoureux d'une personne qui ne m'aime pas. Moi, ce que je voulais, c'est d'exister en étant à tes côtés. Et par la même, te redonner la monnaie de ta pièce. Je ne voulais pas te compliquer la vie, la facilité. Je ne voulais non plus exiger de toi ce que tu ne voulais pas. J'aurais cru qu'on s'aimerait juste assez pour se la faciliter, s'en approprier du bon temps, se le garder pour soi. Si seulement, si seul, si manque, consolider ce que l'on est, si l'on avait pris le temps de venir le si. Effacer l'évidence de rester à tes côtés. Et sans doute éluder les mots du passé. Construire mieux que de détruire, éradiquer la souffrance. Et ne plus être seul pour lutter. Ne plus être seul pour lutter.